الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، شخص سخ، bienvenue à vous pour cette nouvelle série de cours sur cette radio dans laquelle nous allons commencer بإذن الله تعالى l'étude d'un sujet d'une importance capitale qui n'est autre que le fondement et la base de la religion, qui sont les questions liées à la croyance. Nous avons vu dans des cours précédents de nombreux épîtres liés à la science du tawhid, la science de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Après cela, il est important également d'étudier ce qui concerne l'unicité dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'apprendre à connaître notre Seigneur comme il se doit, mais aussi d'étudier les questions liées à la croyance sur lesquelles se sont égarés nombre de gens et nombre de sectes en s'écartant de la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ce faire, j'ai choisi que l'on étudie ensemble un livre court, mais d'une importance immense, écrit par un grand savant, qui est l'éminent cheikh Aboul Abbas, le cheikh de l'islam et des musulmans à son époque, Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah ta'ala, qui est décédé en l'an 728 de l'Hégire. Ce cheikh a écrit de nombreux épîtres au sujet de la croyance. Et parmi ses plus célèbres épîtres, il y a Al-Aqidatu Al-Wasitiyya, qui est un livre concis et résumé que le cheikh rahimahullah ta'ala a écrit lorsqu'un homme, parmi les juges de la ville de Wasit, qui est une ville qui se situe entre Bagdad et Bassora, est venu à lui pour se plaindre des voies déviantes qui étaient propagées et diffusées parmi les gens concernant les croyances et plus particulièrement ce qui est lié au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et à ses attributs. Le cheikh rahimahullah ta'ala a alors répondu à sa demande en écrivant ce livre concis dans lequel il a exposé l'essentiel des fondements de la croyance du groupe sauvé, al-firqatu an-najiyah, c'est-à-dire les gens de la sunna et du groupe. Le cheikh rahimahullah ta'ala a dit: la cause de l'écriture de ce livre est que venu à moi de la terre de Wasit, un juge de ses environs, qui faisait partie des partisans de l'imam Shafi'i, c'est-à-dire de l'école de l'imam Shafi'i. Il dit: il est venu à nous alors qu'il faisait le pèlerinage, et il faisait partie des gens de bien et de religion. Et il s'est plaint de ce sur quoi étaient les gens dans sa région, dans l'état des Tatars, qui étaient dominés par l'ignorance, l'injustice et la disparition de la religion et de la science. Donc, Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, dit au sujet de cet homme: il m'a demandé que je lui écrive un dogme, une croyance, qui serait pour lui une référence pour sa propre personne ainsi que pour les gens de son foyer. Et Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, dit qu'au départ, il s'est abstenu et lui a dit que ce qu'avaient écrit les gens parmi ceux qui l'ont précédé comme croyance était suffisant. Et il l'a renvoyé aux croyances écrites par les imams de la sunna. Mais cet homme a insisté et lui a dit: je ne veux qu'une croyance que tu m'auras écrite. C'est-à-dire, il voulait absolument une croyance écrite par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et ceci nous montre le rang que le Cheikh rahimahullah ta'ala avait auprès des gens de la vérité à son époque. Alors Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala a dit: je lui ai écrit cette croyance alors que j'étais assis après Al-Asr. C'est-à-dire qu'il l'a écrit dans une assise après la prière d'Al-Asr, rahimahullah ta'ala. Il a donc résumé dans cet ouvrage et exposé la croyance du groupe sauvé. Et qu'est-ce qui est visé par le groupe sauvé? Ce qui est visé par le groupe sauvé est celui auquel a fait allusion notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le célèbre hadith dans lequel il nous a informé que les juifs et les chrétiens se sont divisés en un certain nombre de sectes. Puis il a annoncé que cette communauté, c'est-à-dire la communauté de l'islam, se diviserait en 73 sectes, en 73 groupes. Puis il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ils seront tous au feu. C'est-à-dire que tous ces groupes sont sous la menace du feu de l'enfer, en raison de leur opposition à la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc dit, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont tous au feu, à l'exception d'un seul groupe. Sur ces 73, il n'y en a qu'un seul qui est sauvé de cette menace. Et c'est pour cela qu'il est appelé le groupe sauvé. Sauvé de la perdition, sauvé de la menace du feu de l'enfer. Les compagnons, radiyallahu anhum, dirent alors au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Et quel est ce groupe, au messager d'Allah ?» Il annonce que les gens vont se diviser, qu'il y aura 73 groupes, que tous ces groupes seront en enfer, sous la menace du feu de l'enfer. Il est donc nécessaire de savoir quel est ce groupe qui sera sauvé de cette menace. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de leur dire, « Ils sont ceux qui sont sur ce quoi je suis aujourd'hui, moi et mes compagnons. Ils sont ceux qui sont sur ce quoi je suis aujourd'hui, moi et mes compagnons. » C'est-à-dire ceux qui se sont accrochés et attachés fermement à ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons radiyallahu anhum, ceux qui sont restés sur l'islam authentique tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé à son messager sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui sont restés sur l'islam authentique tel que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné à ses compagnons radiyallahu anhum, ceux qui sont restés sur l'islam authentique tel que les compagnons radiyallahu anhum l'ont enseigné aux tabi'oun après eux, et ainsi de suite, génération après génération, jusqu'à nos jours, walillahi alhamdu wal minna. Car ce groupe perdurera jusqu'à la venue de l'heure, comme on va le voir, incha'Allah ta'ala. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala nous a exposé cette croyance dans cette courte épître, afin que l'on puisse faire partie de ce groupe, incha'Allah ta'ala, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi eux et de nous raffermir sur la voie de la vérité jusqu'au jour de sa rencontre. Et il est important de préciser ici que cette croyance, ce n'est pas la croyance de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala seulement. Ce n'est pas lui qui a instauré cette croyance. Également, cette croyance qu'il a exposée dans cette épître, ce n'est pas la croyance de l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Mais cette croyance, comme on a dit, c'est la croyance du groupe sauvé, qui sont ceux sur ce quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons radiyallahu anhum. C'est donc la croyance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, à ce sujet, certains ont fait ce reproche à Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala de son vivant, en lui disant qu'il avait écrit et exposé la croyance de l'imam Ahmed, laissant sous-entendre que la croyance de l'imam Ahmed était une croyance différente de celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala leur a répondu et a dit, je n'ai réuni que la croyance des salaf ou salih, que la croyance des pieux prédécesseurs rahimahumullah ta'ala, et pas seulement celle de l'imam Ahmed, car l'imam Ahmed n'a fait que transmettre la science avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si l'imam Ahmed avait parlé de lui-même et exposé des choses avec lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu, alors nous n'aurions pas accepté cela. Et il en est de même pour l'ensemble des savants. Aussi éminents soient-ils, s'ils viennent avec une chose contraire à ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci ne doit pas être accepté, car on accepte que ce qui est conforme à ce qui est venu dans les textes du Coran et de la Sunnah. Ensuite, Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala a dit au sujet de cette épître, et ceci est la croyance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez l'importance de cet ouvrage, l'importance de l'étudier et de prendre connaissance des fondements qui y sont mentionnés. Et ce livre a été expliqué par nombre des savants venus après Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala. Les commentaires sont très nombreux. Vous trouverez des commentaires résumés, des commentaires détaillés et des commentaires plus ou moins développés de cet ouvrage écrit par les savants de la Sunnah, comme le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, le Cheikh Salih Ali Cheikh, hafidahullah, et d'autres parmi les savants qui les ont précédés ou qui sont venus après eux. Et j'ai choisi pour ce cours de me baser principalement sur une explication concise et résumée qui est l'une des plus profitables pour celui qui débute dans l'apprentissage de cette science, et c'est le commentaire de l'éminent Cheikh, l'imam Salih al-Fawzan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. On va donc commencer la lecture du livre en arabe, que je vais ensuite traduire de manière rapprochée, puis mentionner certaines explications et certains bénéfices que j'ai tirés et résumés de l'explication du Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a commencé en disant « Bismillahir Rahmanir Rahim » au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il a donc commencé par cette phrase appelée la basmala, qui consiste à dire « Bismillahir Rahmanir Rahim ». Et comme on l'a vu dans des cours précédents, les savants font cela à l'exemple du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui commence par la basmala. Et l'ensemble des sourates du Coran, à l'exception de sourate At-Tawbah, commence par la basmala. Et ils font cela également suivant l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a ordonné que ses écrits et ses lettres commencent par la basmala. Et bismillahir rahmanir rahim, lorsque l'on écrit cela au début d'un ouvrage ou qu'on prononce cette parole, c'est une manière d'implorer l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que l'on entreprend. Car le bad en bismillah, il signifie la demande d'aide. C'est-à-dire, j'implore l'aide d'Allah par l'ensemble de ses noms. Et Allah, c'est un nom propre qui ne désigne que le Seigneur des mondes subhanahu wa ta'ala. Nul autre que lui n'est nommé ainsi. Et le sens de ce nom est qu'il est celui qui détient le droit à l'adoration et à la servitude sur l'ensemble de la création. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui détient le droit d'être adoré et le droit que l'on s'asservisse à lui sur l'ensemble des créatures. Et il est également Ar-Rahman, Ar-Rahim, qui sont deux des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui indiquent que la rahma, la miséricorde, fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'une manière qui sied à sa majesté. Ar-Rahman signifie qu'il détient une vaste miséricorde, une miséricorde générale qui atteint l'ensemble des créatures, quelles qu'elles soient. Et Ar-Rahim signifie qu'il est celui qui détient une miséricorde spécifique qui n'atteint que les croyants. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 43 de Surat al-Ahzab, « وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا » Et il est Rahim, il est miséricordieux envers les croyants. En effet, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le mécréant et le polythéiste n'a lieu que dans ce bas monde. Par sa miséricorde, il les nourrit, leur accorde boissons et nourriture, leur permet d'être en bonne santé et ainsi de suite parmi les bienfaits dont il peut combler même ceux qui le renient et mécroient en lui subhanahu wa ta'ala. Mais dans l'au-delà, les mécréants seront privés de toute miséricorde. Et la miséricorde n'atteindra que les croyants. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi eux. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit « Alhamdulillah illadhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhirahu ala d-dini kullihi wa kafa billahi shahida. » Toutes les louanges reviennent à Allah, lui qui a envoyé son messager avec al-huda, la bonne voie, et din al-haq, la religion de vérité, afin de la faire triompher sur l'ensemble des religions, et Allah suffit comme témoin. Wa ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, iqraran bihi wa tawhida. Et j'atteste qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah, seul sans associé, J'affirme cela, c'est-à-dire par la langue, et je lui voue un culte exclusif. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager, qu'Allah le couvre d'éloges, ainsi que sa famille, et leur accorde le salut de manière augmentée. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a commencé après la basmala cette épître par les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala et la double attestation de foi, ainsi que la prière et le salut sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a fait cela également suivant le modèle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui commençait ses discours et ses sermons de cette manière. Il dit donc Alhamdulillah, toutes les louanges reviennent à Allah. Alladhi arsala rasulahu, celui qui a envoyé son messager. Toutes les louanges reviennent à Allah qui a envoyé son messager. C'est-à-dire qu'on loue Allah subhanahu wa ta'ala pour l'ensemble des bienfaits qu'il nous a accordés et que l'on ne peut dénombrer. Et parmi les bienfaits les plus nobles et les plus importants et les plus immenses qu'il nous a accordés, c'est qu'il a envoyé son messager, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci fait partie des plus grands bienfaits sur l'humanité. Il l'a envoyé à titre de miséricorde pour l'univers, pour les faire sortir des ténèbres à la lumière, des ténèbres de l'obscurité, de la mécréance vers la lumière de la foi, des ténèbres et l'obscurité du polythéisme vers la lumière du culte exclusif et du tawhid, de l'adoration vouée sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc un des plus grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à l'humanité. Car en suivant ce messager sallallahu alayhi wa sallam, en suivant sa voie, en suivant ses traces, l'homme se rapprochera d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à atteindre son paradis. Et il n'y a pas de voie menant à Allah subhanahu wa ta'ala et à son agrément et son paradis si ce n'est la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc envoyé son messager sallallahu alayhi wa sallam, comme nous dit l'auteur, avec al-huda wa din al-haq. Al-huda, c'est la bonne voie et elle désigne la science profitable. Et la science profitable, c'est tout ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme information véridique concernant le passé ou le futur, comme ordre, comme interdiction, et ainsi de suite parmi les législations qu'il a transmises de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci fait partie de la science profitable, al-huda. Et la religion de vérité, c'est al-amal salih, les œuvres pieuses, les œuvres sincères pour Allah et conformes à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car le mot ad-din, dans la langue arabe, il désigne les actions et il désigne aussi la rétribution en fonction de ces actions. Comme dans ce verset que vous connaissez tous, Maliki yaoumiddin, maître au jour d'ad-din, maître au jour de la rétribution, c'est-à-dire la rétribution en fonction des actions qui ont été accomplies dans ce bas monde. Il dit donc louange à Allah qui a envoyé son messager avec la bonne voie, la science profitable et la religion de vérité, les œuvres pieuses, afin de la faire triompher sur l'ensemble des religions, c'est-à-dire afin de l'élever au-dessus de toutes les religions. Car par l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a abrogé l'ensemble des religions précédentes. Et il a élevé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses partisans et ceux qui l'ont suivi sur cette religion. Et cela s'est produit, car les musulmans ont lutté sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que l'islam se propage aux quatre coins du monde, d'est en ouest. Et comme on peut le voir aujourd'hui, cette religion est propagée dans la majorité des contrées à travers le monde. Ensuite, il dit « Wakafa billahi shahida » et « Allah suffit comme témoin ». C'est-à-dire « Allah suffit comme témoin » que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien son messager. Car Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement toute chose. Rien ne lui échappe. Il observe les actes et entend les paroles de l'ensemble de ses créatures. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit témoin de cela est une des preuves les plus évidentes de la véracité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car si ce dernier avait menti au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala aurait précipité sur lui le châtiment. Mais au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala l'a secouru. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le dessus et la victoire sur l'ensemble des religions au point de faire triompher la religion de l'islam à laquelle a appelé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Wa ashhadu an la ilaha illallah » et j'atteste qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Seul Allah est en droit d'être adoré par les créatures. Donc tu attestes de cela, c'est-à-dire que tu le prononces avec ta langue et tu le reconnais dans ton cœur. Tu y crois fermement. C'est cela le sens de shahada, l'attestation. C'est que tu prononces avec ta langue ce qui se trouve dans ton cœur. Donc la langue doit traduire ce qui se trouve dans le cœur et il ne doit pas avoir de contradiction entre ce que la langue prononce et ce qui se trouve dans le cœur de la personne. J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah, seul sans associé. Cette phrase « seul sans associé » elle confirme le sens de l'attestation de foi et ce qu'elle comporte comme négation et affirmation. Lorsque tu dis « la ilaha illallah », tu renies l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu affirmes que l'adoration est un droit exclusif d'Allah. Donc lorsque tu dis « wahdahu » seul, tu confirmes l'affirmation de ce droit exclusif. « La sharika la » sans associé, tu confirmes et insistes sur la négation et le reniement de l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit « iqraran bihi wa tawhida ». « Iqraran bihi », cela signifie en le prononçant avec la langue. Je reconnais cela avec ma langue. « Wa tawhida », c'est-à-dire en étant sincère et en vouant le culte exclusivement à Allah dans toute adoration, que ce soit une adoration relevant du cœur, des actes ou de la langue. Ensuite, il dit « J'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. » C'est-à-dire, je prononce cela avec ma langue et j'y crois fermement dans mon cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son serviteur Mohammed à l'ensemble des gens, hommes et djinns. Et lorsque tu dis qu'il est son serviteur et son messager, cela réfute ceux qui ont exagéré au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui l'ont méprisé, ceux qui ont négligé son droit. L'affirmation que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est une réponse et une réfutation de ces deux groupes extrêmes et opposés. Le premier est ceux qui ont exagéré au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ont élevé à un rang qui n'est pas le sien en l'invoquant en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala par exemple. Donc lorsque tu attestes qu'il est le serviteur d'Allah, cela signifie que c'est un serviteur, il ne peut pas être adoré. Car celui qui est en droit d'être adoré n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu dis qu'il est son messager, sallallahu alayhi wa sallam, tu réfutes et réponds à ceux qui ont négligé son droit. Il est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc obligatoire d'avoir foi en lui. Et la foi en lui implique quatre choses. Que tu lui obéisses dans ce qu'il ordonne, que tu crois en lui dans ce qu'il informe, que tu t'écartes et que tu évites tout ce qu'il a interdit, et que tu n'adores Allah subhanahu wa ta'ala que de la manière dont il l'a légiféré. Et ces quatre points ont été vus de manière détaillée lors de notre étude du livre « Les trois fondements ». Ensuite, il dit « Sallallahu alayhi » qu'Allah prie sur lui. « As-salah » la prière, dans la langue arabe, elle désigne l'invocation, « ad-du'a ». Et la prière, lorsqu'elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle signifie qu'il couvre d'éloges son serviteur auprès de ses anges rapprochés. C'est pour cela qu'on le traduit parfois qu'Allah prie sur lui par qu'Allah le couvre d'éloges. Allah le couvre d'éloges auprès de ses anges rapprochés. Et cette explication a été mentionnée par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans son recueil authentique d'après Abu al-Aliya. Donc Allah le couvre d'éloges qu'Allah prie sur lui ainsi que sur Ali, que l'on traduit parfois par sa famille, mais que l'on pourrait aussi traduire par ses suiveurs. Car Al-Al, cela signifie ceux qui suivent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur sa religion, de manière générale. Donc qu'Allah le couvre d'éloges, ainsi que tous ses suiveurs sur sa religion. Ensuite il dit « wa ashabi » et ses compagnons. Ses compagnons, c'est-à-dire ceux qui ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ayant foi en lui et qui sont morts sur la religion de l'islam. Ce sont eux les compagnons radiyallahu anhum, les meilleurs des hommes de cette communauté après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc pour cela que l'auteur rahimahullah ta'ala prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prie également sur sa famille ou ceux qui le suivent sur sa religion, mais il prie également de manière particulière sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam en raison de leur rang éminent, et on verra cela de manière détaillée dans un des chapitres de cet ouvrage inshallah ta'ala. Ensuite, il termine cette introduction en disant wa sallama tasliman mazida, et qu'il leur accorde le salut d'un salut augmenté. As-salam, ce qui est visé, c'est soit la salutation, soit le fait d'être à l'abri et d'être préservé des choses mauvaises et des choses nuisibles. C'est pour cela qu'on le traduit par le salut, le fait d'obtenir le salut, d'être à l'abri de ce qui est nuisible. Qu'Allah le couvre d'éloges et le salue, le préserve d'un salut augmenté. C'est-à-dire qu'il lui accorde grandement le salut. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Amma ba'd ». Donc « Amma ba'd », ce mot, il est utilisé à titre de transition. Entre cette introduction dans laquelle il commence par la mention du nom d'Allah, les louanges d'Allah, la double attestation de foi, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il rentre dans le vif du sujet de son livre et il dit « Fahada i'tiqadu al-firqati najiyah al-mansoura » ila qiyam as-sa'a. Ceci, c'est-à-dire ce qui va être exposé dans ce livre, est la croyance du groupe sauvé et secouru jusqu'à la venue de l'heure. Donc tout d'abord, le mot i'tiqad, qui vient du verbe i'taqada, que l'on traduit par croire en une chose. Il est important de comprendre le sens de ce mot pour comprendre également l'importance de l'aqida. Lorsqu'on parle de l'aqida, on parle de ce qui est noué fermement dans le cœur de la personne. Ce à quoi le cœur de la personne est fermement attaché. Lorsqu'on dit « je crois en cela » dans la langue arabe « i'taqadtu kada », cela signifie que j'y ai attaché mon cœur. Et ceci vient du verbe « aqada » en arabe, qui signifie « nouer ». Lorsqu'on dit que l'on noue une corde, on dira « aqada al-habl ». Il a noué la corde. Il a fait un nœud dans celle-ci. Et ce mot est utilisé pour ce qui est noué dans le cœur en termes de croyance. Donc la croyance, c'est ce à quoi tu dois être fermement attaché. Et pour y être fermement attaché, il est indispensable que tu apprennes cette croyance. Car si tu ne l'apprends pas, si tu ne la connais pas, comment pourrais-tu y nouer ton cœur? Tu ne peux pas nouer ton cœur à une chose que tu ignores. Donc il est nécessaire d'apprendre cette croyance, de t'instruire au sujet de la croyance authentique, afin d'y nouer ton cœur et ainsi de te mettre à l'abri des croyances déviantes qui s'opposent à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il nous dit ceci est la croyance du groupe sauvé, c'est-à-dire le groupe qui est sauvé de la perdition et qui est préservé et sauvé de tous les maux ici-bas et dans l'au-delà. Le groupe qui atteindra le réel bonheur. Et ceci est tiré, comme on a dit, de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a mentionné qu'un seul groupe sera sauvé du feu et qui est celui qui est sur ce quoi il était lui ainsi que ses compagnons radiyallahu anhum. Et ce groupe sauvé, il est également victorieux ou secouru, c'est-à-dire qu'il est secouru, il a la victoire sur ceux qui s'opposent à lui. Et ceci est tiré d'un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y aura toujours un groupe de ma communauté triomphant sur la vérité, secouru sur la vérité. Ne leur nuira point ceux qui s'opposent à eux, ni ceux qui les abandonnent, jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. » C'est-à-dire jusqu'à la venue de l'heure. Comme le dit le shaykh rahimahullah ta'ala, ceci est la croyance du groupe sauvé et secouru jusqu'à la venue de l'heure. C'est-à-dire jusqu'à l'approche de l'heure. Car ces gens qui sont sur la vérité, sur la croyance authentique, sur la religion de vérité à laquelle a appelé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils mouriront avant la venue de l'heure. Car Allah subhanahu wa ta'ala enverra un vent qui retirera l'âme de tout croyant. Et ceci sera l'heure en ce qui concerne les croyants. Quant à la fin de ce bas monde, elle n'aura lieu que sur les plus mauvais des gens. Comme le démontre un hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne viendra que lorsqu'on ne dira plus sur terre Allah, Allah. » Et dans un autre hadith, il est rapporté qu'Allah subhanahu wa ta'ala enverra un vent dont l'odeur est l'odeur du musc et le toucher est le toucher de la soie. Il ne laissera personne qui a dans son cœur l'équivalent du poids d'une petite fourmi de foie sans lui retirer son âme. Il restera ensuite les plus mauvais des gens et c'est sur eux que viendra l'heure. C'est sur eux que viendra l'heure, c'est-à-dire c'est sur eux que terminera ce bas monde. Wallahu al-musta'an. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit que cette croyance qu'il va exposer est la croyance de ce groupe sauvé et secouru jusqu'à la venue de l'heure. Ensuite il nous dit Ahlis sunnati wal jama'a. Ils sont les gens de la sunna et du groupe. Les gens de la sunna, cette sunna qui est la voie sur laquelle était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et cela englobe aussi bien ses paroles que ses actes que ses approbations. Et les gens de la sunna ont été appelés gens de la sunna, le sunna, en raison de leur affiliation à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en dehors de toute autre chose. Contrairement aux gens de l'innovation, si vous méditez sur la situation des groupes déviants parmi les gens de l'innovation, vous verrez qu'ils s'affilient soit à leur égarement et leurs croyances déviantes comme Al-Qadariya, en référence à leur égarement au sujet d'Al-Qadar, du destin. Également Al-Murji'a, en référence à leur égarement au sujet de la foi et d'Al-Irja. D'autres vont s'affilier à leur imam, comme Al-Jahmiya, en référence à Jahm ibn Safwan, ou encore Al-Asha'ira, en référence à Abul Hassan Al-Ash'ari, bien qu'ils se soient repentis de cette croyance sur laquelle sont ceux qui prétendent le suivre aujourd'hui. Et d'autres s'affilient à leurs actes déviants, comme Ar-Rafida ou Al-Khawarij. Quoi qu'il en soit, chacun de ces groupes est affilié soit à une personne autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit à une croyance contraire à la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit à des actes contraires aux actes légiférés dans la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens de la sunna, ils ne s'affilient à rien de cela. Mais il s'affilie seulement à la sunna, c'est-à-dire à la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'affilie également à Al-Jama'a. Ils sont les gens de la sunna et d'Al-Jama'a. Et qu'est-ce qu'Al-Jama'a? Al-Jama'a, dans la langue arabe, cela signifie un groupe de gens réunis. Un groupe de gens réunis. Et ce qui est visé par Al-Jama'a ici, ce sont ceux qui se sont réunis sur la vérité confirmé dans les textes du Coran et de la Sunna. Et à leur tête, les compagnons, radiyallahu anhum, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, même s'ils sont peu parmi les gens. Al-Jama'a, ce n'est pas forcément le grand groupe. On trouve certains prédicateurs parmi les prédicateurs à l'égarement, qui lorsqu'ils veulent faire accepter leur déviance, lorsqu'ils veulent faire accepter leur égarement, ils disent « Mais l'immense majorité des gens de science ou l'immense majorité des gens dans tel ou tel endroit ou à telle et telle époque avaient telle ou telle croyance. » Ils essaient de prendre le nombre comme un argument justifiant que cette chose à laquelle ils appellent est la vérité. Et le grand nombre n'est pas une preuve dans notre religion. Au contraire, le grand nombre dans les textes du Coran, il est venu mentionné de façon blâmée et non pas honoré et loué, comme on le trouve dans de nombreux versets. Et si tu suis la majorité des gens sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah, et ainsi de suite parmi les nombreux versets mentionnés dans le Coran à ce sujet. Quoi qu'il en soit, le grand nombre n'est pas une preuve. Et Al-Jama'a ne désigne pas forcément un grand groupe de personnes, mais il désigne le groupe réuni sur la vérité, même s'ils sont peu parmi les gens. Et c'est à ce sujet qu'il est rapporté de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qu'il a dit « Al-Jama'a, c'est ce qui est conforme à la vérité, même si tu es seul. » À ce moment, c'est toi Al-Jama'a. Al-Jama'a, c'est ce qui est conforme à la vérité. Même si tu es seul, et à ce moment, c'est toi Al-Jama'a. Donc ça, c'est important à à comprendre, barakallahu fikum, que le grand nombre n'est pas une preuve, mais la preuve est ce qui est mentionné dans les textes du Coran et de la Sunnah. La preuve est ce qui est conforme à la vérité, et c'est cela qu'il nous incombe de suivre en tout lieu et en tout temps. Donc le Cheikh, rahimahullah ta'ala, après nous avoir dit qu'il va nous exposer la croyance du groupe sauvé et secouru, jusqu'à la venue de l'heure qui sont les gens de la Sunnah et du groupe An-Sunnati wal-Jama'a, il nous dit « Wa huwa al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal-ba'thi ba'd al-mauti wal-imanu bil-qadari khayrihi wa sharrihi » Et cette croyance, c'est la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en la résurrection après la mort et la foi au destin, bon ou mauvais. Donc il expose tout d'abord, de manière globale et résumée, les fondements de cette croyance qui sont les six piliers de la foi mentionnés dans le hadith de Jibril alayhi salam, lorsqu'il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la foi et qui lui répondit « La foi, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. » Ceci est l'essentiel des fondements de la croyance des gens de la Sunna. Et le Cheikh, rahimahullah ta'ala, dans cet ouvrage, il va nous mentionner cela de manière détaillée, bi'inillahi ta'ala, à commencer par ce qui est lié à la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et plus particulièrement à la foi en ses noms et ses attributs. Et c'est ce que nous verrons, incha'Allah ta'ala, lors des prochaines assises, et on va s'arrêter là et se suffire de ce que l'on a mentionné pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayran.